Oh oh oh, chers amis auditeurs de l'émission Musique Actu sur la radio des Gouttières, c'est le Père Noël qui vous parle, et oui, j'ai pris possession de cette antenne pour vous faire une émission spéciale Noël. Je sais que cette émission suit l'actualité au plus près, il me semble qu'aujourd'hui l'actualité, c'est moi, le Père Noël. Alors nous allons écouter plein de chansons de Noël et faire ainsi vivre la magie de Noël, ma magie. Écoutons tout de suite les fabuleuses chanteuses du groupe Brigitte nous interpréter ma chanson favorite, White Christmas, le Noël blanc. Il va encore nous plomber l'ambiance, le vieillard. Non, moi je vous dis, Noël, faut que ça rock, faut que ça bouge. Et le Père Noël, là, c'est moi qui prends le contrôle de cette émission à partir de maintenant. Parce que vraiment, là, ça commence à sentir le sapin. N'est-ce pas, jeune Chiral ? Quand arrive la mi-décembre, la fausse neige et les grands froids, les radiateurs dans les chambres, les engelures au bout des doigts, les vitrines absolument, les promos sur le foie gras, la nuit à 17h30 et les petits cadeaux plein les bras. Ça sent le sapin, ça sent le sapin, surtout le 25 au matin. Dans la forêt du dimanche, dans les bottes en caoutchouc, dans le ramassage des branches, des champis, des feuilles de houx, dans les pommes de pin humides, dans la mousse verte et les glands, dans les bogues de marron vide, les aigus plantés dans les gants. Ça sent le sapin, ça sent le sapin, quand on se balade au bord d'un chemin. on n'a plus goût à rien, qu'on se lève plus le matin, qu'on mastique son chagrin comme un morceau de vieux pain, quand on n'a plus dans les mains personne pour nous faire du bien, qu'on veut plus du lendemain, bah là ça sent vraiment le sapin. Là ça sent vraiment le sapin. Oh, oh, mais c'est mon ami le Père Fouettard. Bienvenue, Père Fouettard. Alors, comme ça, tu veux jouer au ping-pong musical avec moi? On va bien rigoler. Alors oui, c'était pas mal, ta petite jeune chérale, là, cette petite jeune qui démarre. Mais moi, je vais envoyer du lourd maintenant avec une Maria Carey, une américaine. Tu vas voir ce que tu vas voir. C'est Maria Carey, All I Want For Christmas Is You. Ouais, ok, admettons, elle braille pas mal, la petite Maria Carey. Elle a quand même un niveau américain, mais moi je vais t'en donner de l'américain. Michael Jackson, ça te dit quelque chose? Ça, c'est un américain. Et quand il était gamin, il était encore plus américain. On écoute tout de suite les Jackson 5, et ça parle de toi, mon vieux. Le petit Michael, il nous dit qu'il a vu sa maman embrasser le Père Noël. Et comment t'expliques ça, mon vieux? Hein? Comment t'expliques ça? She did. missing Santa Claus, and I'm gonna tell my dad. Oui, Michael, oui, Michael, calme-toi, calme-toi, tu as mal vu, tu as mal vu. Il n'a pas été sage, Michael, il n'aura pas de cadeau. Hein. Par contre, le petit David, là, du côté de la NASC, il a été bien sage, hein, je lui amènerai des pédales, des faits pour sa guitare, parce qu'il m'a conseillé un super morceau des Pentatonix, un bon groupe vocal, ça fait rêver, ça c'est Noël, ah oui. On oublie Michael, on écoute les Pentatonix, avec l'enfant au tambour, mais en version anglaise, hein, parce que moi je suis international. Et oui, je suis le Père Noël, vous êtes sur Zik Actu. King to see, pa-ra-ba-ba-ba. Our finest gifts we bring, pa-ra-ba-ba-ba. Bum, bum, bum. d'accord, ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, t'aimes bien quand ça chante, quoi. T'aimes bien quand ça joue les choristes, un peu, quoi. Bah, dans ces cas-là, moi, je te propose directement les trois sœurs, là. Elles sont super canons, les Poupini Sisters. Allez, on écoute les Poupini Sisters. Le morceau, il s'appelle Step Into Christmas. C'est dans leur album spécial Noël. Parce que quand on fait des albums spécial Noël, on gagne plein d'oseilles. C'est un peu grâce à toi, ça. Oh oh, ça gâche, on s'amuse, ça swing pas mal les Poupini Sisters. Ah, moi je vais te faire écouter quelque chose aussi de même. Du jazz, oui, vraiment du jazz. Quelque chose de plus profond, tu vois, le jazz. Ça c'est la musique au niveau du Père Noël, tu vois. Cette chanson s'appelle Deck the Halls, elle a été encore une fois composée pour moi. C'est fou toutes les chansons que les gens ont composées pour moi. Tu sais, ça fait fa la la la la la la la. Alors on l'écoute tout de suite, c'est interprété par Biji Adair. Je sais même pas prononcer son nom, mais c'est magnifique. Thank you. Et voilà que le vieux bonhomme commence à claquer les doigts en contre-temps. Non mais vraiment, Père Noël, t'es has-been, là. Tu vas faire fuir tout le monde, là. Zik Actu, c'est une émission pour les jeunes. Je veux dire, à un moment, actualité... voilà, actualité, je sais pas si t'as compris le concept exactement. Non mais vraiment, ce qu'il nous faut, c'est un truc qui dépote. Écoute-moi ça, mon vieux. C'est la même chanson, hein, mais tu vas voir, ça dépote. Cette musique pour les jeunes. Mais on n'y comprend rien. Est-ce que ça parle vraiment de moi, ça seulement? On sait même pas ce qui braille en anglais, là. Personne comprend ça. Écoute, moi je vais te mettre une petite chanson pour les Français. C'est Graham Wright qui la chante. Oh, c'est pas très français, ça d'ailleurs. Et ça s'appelle Petit Garçon. Ça va te faire rêver. Dans son manteau rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descendra à la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabulées? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposer, entends-tu les clochettes tintinabulées? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabulées? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Maintenant il est l'heure d'aller se coucher. Non mais sérieusement, écoute les étoiles quoi. Vas-y, écoute les étoiles, non mais allô. Et puis d'abord, dans son manteau rouge et blanc, ça peut être moi, hein. Ça peut être le père Fouettard qui vient. Hein. Et puis dans les petits chaussons, tu vas trouver des coups de pique, parce que t'as pas été sage mon petit garçon. Et ouais, et même que moi non plus j'ai pas été sage. Et d'ailleurs je suis même tellement passage que je vais vous passer du Helmut Fritz. Vous savez, l'allemand qui chante, ça m'énerve, là. Et ben voilà sa version de Petit Papa Noël. Tu vas voir comme elle est belle, la magie de Noël, hein, avec Helmut Fritz. Ein, zwei. C'est la belle nuit de Noël, quand survient l'envie de danser. et les cieux levés vers le ciel, à genoux devant le DJ. Les filles remaquillent leurs paupières et lèvent les bras sans l'air. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec du gros son dans ta soute, n'oublie pas le petit Helmut, n'oublie pas. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Tu n'as plus l'âge de Lady Gaga. Même nue, tu sais, elle n'a jamais froid. Il me tarde tant que la nuit se lève pour voir toutes celles qui vont danser. Toutes les mini-jupes que je vois en rêve lorsque le vent va souffler. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, fais un tour par ma cheminée. M'en veux pas, je l'ai pas ramonné. Le marchand de sable est passé, mais à Noël, ça sert à rien. C'est à la plage qu'il doit rester et ne pas toucher au sapin. Même si la neige en hiver ne tient pas boulevard Voltaire. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, promets-moi qu'on fera une photo. Sur eBay, ça peut rapporter gros. Petit Papa Noël. Dankeschön. Alors oui, je n'ai peut-être pas l'âge de Lady Gaga, oui. Mais moi j'ai une fille, à la petite Émilie Simon Noël, et elle fait des chansons de Noël qui font rêver. Et puis d'ailleurs, on va rechanter en anglais, parce que là, vraiment, en français, je sens que ça peut déraper à tout instant. Alors on écoute Émilie Simon, et cette chanson, ça s'appelle Santa Baby, et ça c'est l'enfant de Noël. Ah, c'est magnifique, Émilie Simon. Haven't just. Next year I could be just as good if you would check off my Christmas list. Santa honey, I want a yacht, and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Thing I really do need the deed to a platinum mine, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, fill my stocking with a duplex and check. Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decoration, but at Tiffany's. I really do believe. Little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. D'accord, ça c'est Émilie Simon, ça c'est ta fille. D'accord, ouais, bah tu sais ce qu'on dit de ta fille. Ouais, c'est mon fils qui m'en a parlé, c'est Jacques Dutronc. C'est le fils du père Fouettard, tu vas voir. Écoute ça. Je l'ai trouvé au petit matin, tout tenu dans mes grands souliers. Placé devant la cheminée, pas besoin de nous faire un dessin. Battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. Fatigué, j'ai la gueule de bois, toute la nuit j'avais aidé mon père. Dans le feu, j'ai remis du bois, dans la cheminée, y avait je suis tombé là par hasard. Toute la nuit, j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit, elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais. Descendu chez moi par erreur, elle était là dans mes souliers. Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard.

c'est pas joli joli ça. Je sais pas si t'auras de cadeau à Noël. Chaque année avec l'hiver vient le mois que je préfère. Et comme j'ai été bien sage, j'attends un vieux personnage. Derrière le sapin caché, je regarde la cheminée avec mes deux yeux d'enfant. Bah, c'est normal, j'ai 6 ans. Hein. Je m'approche pour ne rien perdre, mais il dérape, chute et crie... Eh merde! Cette année, il est bizarre. Ben ouais, il dit... Bonjour les crevards! Bonjour Père Noël! Petit, t'aurais pas une bière? Hein? Bah, je préférais l'année dernière. Ah bon, choisis pas. Qu'est-ce que t'apportes dans ta horde? Devine. Bah, je sais pas. Des seringues et des capotes. Oh, bah, ouais, mais... C'est parce que j'ai commandé. Moi j'avais commandé un grand camion de produits comme j'ai que ça leur fait pas chier. Allez dégage. Aïe. Il me repousse de la main, rote un coup puis urine sur le sapin. Ah, ça fait du bien. Père Noël, t'es le seul ami des enfants qui est toujours au moins 3 grammes dans le sang. Père Noël, tu reviens pour tous les marmots, même si t'es vraiment pas un cadeau. Petit con. Moi, je voulais un petit chat. Ouais. Je l'aurais appelé Pelote. Ouais, c'est ça, choisis un doigt. Oh, bah. Ou le même vélo que Damien. C'est qui Damien? C'est mon voisin. Oh bah. Bah t'as qu'à voler le sien. Oh tu exagères hein. Dis Père Noël raconte-moi. Quoi encore? Bah comment est-ce que c'est chez toi? Parce que alors moi je suis sûr que y a des reines et des lutins. Bah voyons, des pingouins, des martiens. Ah bon? Non mais tu fumes petit crétin. Oh, moi non. T'es non. Con quoi? J'habite porte de la chapelle, dans un local à poubelle. Allez répète. À poubelle. Eh ben ouais. Qu'est-ce que tu veux? Père Noël. Oh non, c'est pas bien que ça. Quoi? Est-ce que tu veux une fidèle? Dégage, je te dis! T'as pas l'air bien. Ton haleine, elle est pas prête. Oh! Il a vomi sur la crème. Un petit, il est où le whisky, papa? Y'en a plus! Y'en a plus? Non, plus du tout! Ah, alors je vais rentrer chez moi. Ah, je me casse. Dis, vieil homme en rouge, est-ce que je peux partir avec toi? Ah, c'est pas possible, ça. Oh, s'il te plaît. Ah, je suis pas Chantal Goya. Mais c'est pas moi, c'est un cauchemar, mais... Tu reviens l'année prochaine. On a pas le choix, aussi grand avec ta sœur. Allez, hein, qu'est-ce qu'elle est, ta sœur? Bah, je sais pas. Allez, mongolienne. C'est pas vrai. Qui va se passer? À l'attaque, la reine! Au revoir, Père Noël. Ah oui, alors là, oui, oui, oui. En effet, les preuves sont contre moi. Oui, bon, bah voilà, c'était un Noël particulier. J'étais pas dans mon assiette, on va dire. On écoute Barbara, hein, on écoute Barbara. On va faire ça. C'était 22h à peine ce vendredi-là. C'était veilleux de Noël et pour fête et saint. Il s'en allait chez Madeleine près du pont de l'Allemagne. Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. En smoking de velours vert, en col roulé blanc, et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents. À pied il longe à la Seine tout en sifflotant, puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël. C'était 22h à peine ce vendredi-là. C'était veilleux de Noël et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre près du pont de l'Allemagne. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. Bottes noires souveraines et gantées de blanc, elle allait pour dire je t'aime tout en chantonnant. À pied elle longeait la Seine, marchant d'un pas lent, puisqu'elle allait chez Jean-Pierre, elle avait bien le temps. Charmant Noël. Or voilà que sur le pont ils se rencontrèrent. C'est de là qu'il s'en venait d'un chemin contraire. Lorsqu'il la vit si belle des bottes aux gants, il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents. Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc, et frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre près du pont de l'Allemagne. Bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas. Et ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça, sous le sapin de lumière quand il l'embrassa. Heureuse elle se fit légère au creux de son bras. Au petit jour ils s'aimèrent près d'un feu de bois. Joyeux Noël, joyeux Noël. Mais après une semaine, ce vendredi-là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre, un peu tard ma foi. Bien sûr, il y eut des scènes près du pont de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là, eux qui avaient eu un Noël comme on n'en fait pas. Mais il est bien doux quand même de rentrer chez soi. Après Noël, joyeux Noël. Oh oh oh, oh non, même Barbara, non mais on peut plus compter sur personne ici. C'est ça la magie de Noël, ces deux infidèles qui fricotent sur un pont là le 24 au soir. Non non mais moi j'abandonne là, si vous croyez plus en moi, si vous croyez plus en la magie de Noël les enfants. Écoutez, je vais m'en aller hein, parce que... Ouais c'est ça le vieux, casse-toi, plus personne croit en toi de toute façon. Allez bon débarras, alléluia. I've heard there was a secret chord the Davy played and it plays the Lord, but you don't really care for the magic, do you? Mais non, je suis pas là! I goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major left, the fucking composing, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Your face was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. A bloody hot man is there for you. She took a time to keep the chair. She brought the ball and not the chair. And you found the name. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. on chante, on se donne tous la main et on regarde le ciel et on dit merci au Créateur. Alléluia. Oh, attendez! Et c'est quoi ça, les gars? Non, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ça fait une heure que je suis bloqué à la porte, là, vous avez tout barricadé. Vous me faites quoi comme émission, là? Oh, on s'est dit que pour une spéciale Noël, le mieux c'était que je prenne la parole et que je dispense cette magie qui est la mienne. Ouais, c'est ça, t'as le monopole de la magie. Non, mais attendez, on n'est pas animateur radio comme ça non plus, il suffit pas de le décider, hein, ça se travaille, c'est des études, des années d'études. Et puis on passe pas n'importe quoi à la radio, c'est une radio, associative, certes, mais quand même, c'est écouté, quoi, je veux dire. Vous avez passé quoi là? L'Alléluia de Léo? Léonard, de Jeff ou de Shrek? Non, celui-là c'était l'Alléluia de Didier. Didier Super. Non, vous pouvez pas comme ça passer du Didier Super dans mon émission. C'est Zikectu, c'est moi Zikectu. C'est pas le Père Noël ni le Père Fouettard, je veux pas le savoir. Vous avez sûrement des choses à faire là, c'est Noël, ça s'approche. Ou c'est même passé déjà, je sais même pas quand elle va être diffusée votre émission, parce que d'ailleurs je sais même pas ce que vous faites là en fait. Donc vous rentrez chez vous, ça y est, ça suffit. L'émission est terminée. Joyeux Noël. Oh, joyeux Noël les enfants. Oui, joyeux Noël. Bon, je suis vraiment désolé. Bon, c'était Zikactu un peu spécial, hein, présenté par le Père Noël et le Père Fouettard, puisque c'est trop tard, je peux pas faire d'autres émissions. Il est l'heure de rendre l'antenne. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et je vous dis tout simplement à l'année prochaine. Joyeux Noël et bonne année.